إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد باب في أحكام المسح على الخفين وغيرهما من الحوائل. Donc là aujourd'hui on commence le chapitre qui explique les règles en ce qui concerne de passer les mains ou de frotter sur les bas ou sur les choses qu'on peut porter sur nos pieds ou des choses comme un bandage ou des choses comme ça. On va expliquer ce que ça signifie inshallah. Donc le cheikh dit inna dinana dinu yusrin la dinu mashaqqatin يضع لكل حالة ما يناسبها من الأحكام مما به تتحقق المصلحة وتنتفي المشقة ومن ذلك ما شرعه الله في حالة الوضوء إذا كان على شيء من أعضاء المتوضئ حائل يشق نزعه ويحتاج إلى بقائه إما لوقاية الرجلين كالخفين ونحوهما أو لوقاية الرأس كالعمامة وإما لوقاية جرح ونحو ذلك ونحوه كالجبيرة ونحوها فإن الشارع رخص للمتوضي أن يمسح على هذه الحوائل ويكتفي بذلك عن نزعها وغسل ما تحتها تخفيفا منه سبحانه وتعالى على عباده ودفعا للحرج عنهم. Donc le cheikh explique, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait que cette religion-là soit une religion de facilité et non une religion de difficulté. Il a fait que pour chaque situation, il y a des règles qui correspondent, et qui viennent pour faciliter la vie des gens. Et dans ces règles-là, il y a des choses qui viennent établir et réaliser tout ce qu'il y a de bien fait et qui fait en sorte qu'il n'y ait pas de difficulté dans leur application. Et le cheikh, il dit que parmi ces règles-là, il y a des règles à ce sens-là qui ont rapport avec le wudu ou lorsqu'on fait le wudu. Lorsque, par exemple, une personne est en train de faire le wudu et que sur un de ses membres, il y a quelque chose qui bloque ou qui empêche de passer ou de le laver ou de mettre de l'eau dessus, parce que c'est quelque chose qui est difficile à enlever, ou bien parce que c'est nécessaire de le garder, et bien dans ce cas-là, comme le cheikh il donne comme exemple, comme par exemple, qu'est-ce qu'on peut porter pour protéger les pieds, comme al-khufayn, des genres de bas ou des choses comme ça qu'on peut mettre sur nos pieds, dans ce cas-là, on le porte pour nous protéger nos pieds, ou bien par exemple, quelque chose qu'on met pour protéger la tête, comme un turban ou des choses comme ça, ou bien quelque chose qu'on peut mettre sur une blessure pour justement protéger ou empêcher qu'il y ait par exemple des saletés ou des choses qui viennent se mettre dans la blessure pour l'infecter. Donc on met un bandage. Alors le cheikh il dit que lorsqu'on a des choses de ce genre, alors Allah subhanahu wa ta'ala a fait une permission spécial pour la personne qui fait son wudu qui a une de ces barrages là, une de ces choses là qui empêche à la personne de mettre de l'eau dessus, eh bien, c'est permis, au lieu de le laver, le membre, de passer une main par-dessus avec les mains mouillées et de passer dessus. Hein? Et donc, on n'a pas besoin de le retirer. On n'a pas besoin de retirer les bas ou le turban ou les choses qu'on peut porter comme ça, ou mettre sur nous, et de le laver ou de laver ce qui est en dessous. Hein? Et ça, Allah subhanahu wa ta'ala a fait ça, ces règles-là, pour nous faciliter la vie et pour nous alléger les adorations. Et c'est pour pas qu'il y ait de difficultés, hein, et de choses difficiles dans notre pratique de l'islam. Donc le cheikh il dit amma mashul khuffayn aw ma yaqumu maqamahuma min al-jawrabayn wal iktifa' bihi 'an ghusl ar-rijlayn fa huwa thabit bil ahadith as-sahiha al-mustafidah al-mutawatirah fi mashihi sallallahu alayhi wa sallam fi al-hadar was-safar وأمره بذلك وترخيصه فيه. الشيخ يقول في concern المسح على الخفين, le fait de passer les mains sur qu'est-ce qu'on peut porter dans nos pieds, et ben ou bien tout comme al-khuffain, c'est plutôt un genre de chaussure de cuir ou un bas de cuir qu'on peut porter qui monte jusqu'en haut des chevilles, ou toute autre chose qui peut prendre la place de ça, comme par exemple les bas, hein. Et donc le cheikh il dit on peut juste passer nos mains mouillées sur ça plutôt que de laver les pieds au complet, et ça c'est établi sur des hadiths qui sont authentiques et qui sont très très nombreux, hein, qui arrivent au niveau de mutawatir. Le cheikh il dit que c'est tellement nombreux, hein, que ça arrive au niveau de hadith mutawatir. Et on a donc la preuve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a frotté par-dessus ses bas durant ou par-dessus qu'est-ce qu'il porte dans ses pieds durant le voyage et durant lorsqu'il est résident, lorsqu'il n'est pas en voyage, et il a permis de faire ça, il a donné une permission de le faire et il a même commandé de le faire. Et le cheikh il mentionne des citations des ulama qui disent des choses à ce sujet-là. Il dit قال الحسن نعم قال الحسن حدثني سبعون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين. Donc le cheikh il dit que al-Hassan, et probablement c'est al-Hassan al-Basri, un des tabi'in, il dit que il a 70 parmi les sahaba du prophète sallallahu alayhi wa sallam lui ont rapporté des choses au sujet de frotter les khuffayn, de passer les mains mouillées sur al-khuffayn ou les bas ou toute autre chose qui ont rapport avec ça. Donc le cheikh il dit wa qala an-nawawi rawa al-mash ala al-khuffayn khalaiq la yuhsawna min as-sahaba. Donc l'imam an-Nawawi il a dit que al-mash ala al-khuffayn, de passer les mains sur qu'est-ce qu'on porte dans les pieds, ça c'est quelque chose qui a été rapporté par un nombre incontable, impossible de tellement que c'est nombreux, il y en a tellement qui ont rapporté ça, on peut pas les compter, hein, c'est-à-dire tellement de sahaba qui ont rapporté ça qu'on peut même pas les compter. Et donc la question de passer les mains mouillées sur les bas ou sur qu'est-ce qu'on porte dans nos pieds plutôt que de laver le pied au complet, ça c'est quelque chose qui a été rapporté par un très grand nombre de sahabi. Après le cheikh il dit قال الإمام أحمد ليس في نفسي من المسح شيء فيه 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. Donc l'imam Ahmad, ça a été rapporté qu'il a dit que je n'ai aucun doute en moi-même au sujet de al-mash, c'est-à-dire de frotter les bas. Il y a plus de 40 hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce sujet. Donc Imam Ahmad il clarifie qu'il n'y a pas de doute là-dessus. Et قال ابن المبارك, Abdullah ibn al-Mubarak, qui est un des imams parmi les a'imma des salaf, et on l'appelle Amir al-Mu'minin fil hadith, c'est un des plus hauts degrés qu'on peut donner à quelqu'un en ce qui concerne la science du hadith. Et donc Imam Abdullah ibn al-Mubarak il disait, et lui c'est un contemporain de l'imam Malik, hein, c'est un des contemporains de l'imam Malik, il était au même degré de ilm et de religion que l'imam Malik, Donc, c'est un des grands imams parmi les salafs. Il dit, et d'autres ont dit également, ليس في المسح على الخفين بين الصحابة اختلاف هو جائز. Et ça, c'est, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il n'y a aucun désaccord entre les sahaba au sujet de passer la main sur les bas ou sur qu'est-ce qui est dans les pieds comme un khuf. Et il dit que c'est permis. Ok? Donc, ça, c'est clair. Et ensuite, il dit, وَنَقَلَ ابْنُ الْمُنْذِرِ وغيره إجماع العلماء على جوازه واتفق عليه أهل السنة والجماعة بخلاف المبتدعة الذين لا يرون جوازه. Donc le cheikh il dit que ça a été rapporté selon Ibn al-Munzir dans son livre de Ijma qu'il y a un consensus des savants sur la permission de passer les mains sur qu'est-ce qu'on porte dans les pieds, que ce soit des bas ou des trucs en cuir, des bas en cuir ou bien des choses comme ça, des sandales ou des choses qui couvrent jusqu'à la cheville. On va expliquer ça plus tard. Et le cheikh il dit que les ulama sont d'accord, tous les ulama d'Ahl Sunnah wal Jama'a sont d'accord là-dessus, et même certains d'entre eux ont mentionné ce point-là, c'est-à-dire al-mas'hu 'ala al-khuffayn. Ils ont mentionné ça parmi les articles de l'aqidah, de l'aqidah ou de la croyance d'Ahl Sunnah wal Jama'a, pour réfuter les gens de bid'ah. Et c'est pour ça que le cheikh il mentionne ça. Il dit que Ahl Sunnah wal Jama'a sont tous d'accord sur le fait que c'est permis de le faire, et également il dit que contrairement aux gens de bid'ah, parce que eux ils ne croient pas que c'est permis, comme par exemple les shi'a, eux rejettent al-mas'h 'ala al-khuffayn, et également je crois les khawarij. Donc ça fait partie des gens de bid'a qui rejettent ça. Et le cheikh il parle maintenant, il dit حكم المسح على الخفين. C'est quoi le jugement au sujet de passer les mains sur le khuf ou sur les bas ou sur les choses comme ça? Le cheikh il dit انه رخصة. Le حكم, le verdict à ce sujet-là, c'est que c'est une permission, رخصة. فعله أفضل من نزع الخفين وغسل الرجلين. Et ça c'est quelque chose que beaucoup de gens ils connaissent pas ou bien ils négligent. C'est que c'est une permission et que c'est meilleur c'est meilleur de le faire, c'est-à-dire c'est meilleur de passer ses mains mouillées sur les khuf ou sur les bas. C'est meilleur de faire ça que d'enlever ses bas et de laver ses pieds. Beaucoup de gens pensent que c'est mieux de laver les pieds plutôt que de passer les mains mouillées sur les bas, et ça c'est incorrect. Et le cheikh il explique. Il dit إنه رخصة فعله أفضل من نزع الخفين وغسل الرجلين أخذا برخصة الله عز وجل واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ومخالفة للمبتدع والمسح يرفع الحدث عما تحت الممسوح. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلف ضد حاله التي عليها قدماه, بل إن كانت في الخفين مسح على الخفين, وإن كانت مكشوفتين غسل القدمين, فلا يشرع لبس الخف ليمسح عليه. Donc le cheikh il dit que c'est pourquoi c'est mieux de passer les mains sur les khuf ou sur les bas plutôt que de laver le pied au complet si on a déjà nos bas ou nos khuf. Le cheikh il dit que ça, si c'est mieux, pourquoi? Parce qu'on prend la permission que Allah nous a donnée, et Allah il aime qu'on prenne les permissions qu'il nous a données, et ça c'est rapporté dans un hadith. Également, le cheikh il dit que ça fait partie de la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc quand on le fait, on suit l'exemple du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Troisièmement, le cheikh il dit que c'est une opposition aux gens de bid'ah, parce qu'on les contredit dans le fait qu'ils rejettent cette sunna, et donc ça établit la sunna, et ça, on contredit les gens qui oppose la sunna. Donc dans ces choses-là, il y a un bien. Et le cheikh il explique et il dit que al-mas'h, le fait de passer les mains sur les bas, ou sur le khouf, eh ben ça enlève l'impureté. Ça enlève sur nous l'impureté de qu'est-ce qui est de le fait de passer les mains sur qu'est-ce qu'on passe les sur les pieds ou c'est-à-dire on passe les mains mouillées sur les bas ou sur le khouf, ça fait retirer al-hadath, hein, l'état d'impureté. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous a pas dit de faire autre chose que de suivre l'état dans lequel on est, c'est-à-dire nos pieds. Si par exemple nos pieds sont couverts, eh ben on passe les mains dessus mouillées. On passe nos mains mouillées dessus. Si nos pieds sont couverts, on passe nos mains mouillées dessus. Si nos pieds sont découverts, eh ben on lave nos pieds tels quels. C'est-à-dire on se complique pas la vie. On va pas enlever nos bas s'ils sont déjà dans nos pieds. Et s'ils sont pas dans nos pieds, ben on va pas les mettre pour se frotter les pieds. On va juste les laver normal. Et le cheikh il dit wa muddatul mashi ala al khuffayn bin nisbati lil muqim wa man safaruhu la yubihu lahu al qasra yawman wa layla wa bin nisbati lil musafiri safaran yubihu lahu al qasra thalathatu ayamin bi layaliha. Donc le cheikh il dit que la durée de temps, c'est quoi la durée de temps pour pouvoir faire al mashi sur les khuff ou bien sûr les bas? Le cheikh, il explique, il dit que la longueur ou la durée de temps qu'on peut le faire, ça dépend si on est résident ou bien si on est en voyage. Donc le cheikh, il dit, si tu es résident, ou bien si tu es dans un voyage, mec, c'est un voyage qui ne te permet pas de raccourcir ta prière, dans ce cas-là, tu le fais pour un jour et une nuit. Ça, c'est si tu es résident. Ou bien tu fais un petit voyage, un voyage qui te permet pas de raccourcir ta prière. Tandis que si par exemple tu fais un voyage qui te permet de raccourcir ta prière, dans ce cas-là, c'est permis de passer tes mains sur le khouf, tes mains mouillées sur le khouf ou sur les bas, al-jawrab, pour 3 jours et 3 nuits. Ça a été rapporté. Le cheikh dit لما رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للمسلم أو جعل للمسافر 3 أيام ولياليهن ويوما وليلا للمقيم. Donc ça c'est un hadith apporté selon Ali, c'est un hadith authentique dans Muslim, Sahih Muslim. Et dans ce hadith le prophète صلى الله عليه وسلم il a c'est rapporté selon Ali qu'il a dit que pour le voyageur c'est 3 nuits et 3 jours. Tandis que pour la personne qui est résidente, c'est-à-dire qui n'est pas en voyage, eh bien pour cette personne, c'est une seule, une nuit et un jour seulement. Donc le cheikh ensuite il dit وَابْتِدَاءُ الْمُدَّةِ فِي الْحَالَتَيْنِ يَكُونُ مِنَ الْحَدَثِ بَعْدَ اللِّبْسُ بَعْدَ اللُّبْسِ لِأَنَّ الْحَدَثَ هُوَ الْمُوجِبُ لِلْوُضُوءِ ولأن جواز المسح يبتدئ من الحدث فيكون ابتداء المدة من أول جواز المسح. Donc le cheikh il dit après wa min al-ulama man yara an ibtida' al-muddah yakunu min al-mash ba'd al-hadath. OK. Maintenant le cheikh il veut expliquer à partir de quand on commence à calculer la durée de temps pour lesquelles on a le droit de faire le mash. Donc, il y a deux positions, deux opinions là-dessus. Il y a une position qui dit, tu commences à partir du moment où tu perds ton oudou la première fois, et là tu commences à calculer un jour et une nuit, ou bien 24 heures, et il y a d'autres ulama qui disent non, la durée de temps commence à partir du moment où tu refais ton oudou. Lorsque tu as perdu ton wudu et que tu le refais, à partir de ce moment-là, tu comptes 24 heures. D'accord? Et c'est ça que le cheikh il dit. Lorsque dans les deux cas, que tu sois en voyage ou que tu sois résident, et que tu as eu une hadath et que tu as eu une impureté, tu as eu quelque chose qui t'a fait perdre ton wudu. OK? Après avoir porté tes bas. Donc dans ce cas-là, le cheikh lui il dit que à partir du moment où tu perds ton wudu, là tu dois commencer à compter la période à partir de ce moment-là, tu comptes 24 heures. Parce que le cheikh, il dit que c'est permis, le masque, c'est-à-dire de frotter les mains sur les bas, il dit que c'est permis et que ça commence à partir de ce moment où tu perds ton wudu. Et donc, ta période commence à ce moment-là. Et d'autres ulama ont dit que la période commence à partir du moment où tu as perdu ton wudu, que tu as fait ton wudu. Donc à partir du moment où tu fais ton wudu pour la première fois, là tu commences à compter 24 heures. Ok. Et la position qui est la plus valable, wallahu a'lam, c'est celle des ulama qui disent que tu commences à partir du moment où tu as refait ton wudu. Hein? Donc il semblerait que ce soit la position la plus correcte, wallahu a'lam. C'est des questions d'ijtihad, parfois c'est des ikhtilaf entre les ulama. Donc wallahu a'lam. Après le cheikh dit shurut al-mas'h 'ala al-khuffayn wa nahwihima. Là il va mentionner maintenant les conditions pour pouvoir frotter les mains ou passer les mains mouillées sur le khuff ou toute chose qui peut prendre sa place, comme des bas ou des choses comme ça. Donc, le cheikh il dit yashtaritu lil-mas'h 'ala al-khuffayn ما يقوم مقامهما من الجورب ونحوها أن يكون الإنسان حال لبسهما على طهارة من الحدث لما في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن أراد نزع خفيه وهو يتوضأ دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. D'accord. Donc, le cheikh il dit que une des conditions, la première condition pour pouvoir passer les mains mouillées sur les bas, c'est que il dit les khouf, premièrement pour bien comprendre, parce que là vous voyez que j'hésite toujours entre les khouf ou les bas, des choses comme ça. Pourquoi? C'est parce que le khouf c'est un genre de bas, mais qui est fabriqué en cuir. Ok. Et yani c'est les gens portaient ça au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Okay. Et puis le cheikh il dit que c'est le khouf, quand tu passes tes mains sur le khouf, tu peux passer tes mains sur le khouf ou bien ce qui prend sa place, c'est-à-dire qu'est-ce que tu peux porter dans tes pieds et qui reste tout seul, t'as pas besoin de l'attacher comme des bas, ça prend le même verdict que le khouf, d'accord. Et puis on va y revenir pour ça lorsqu'on va parler de la condition numéro 3. Le cheikh il dit donc que c'est qu'une des conditions pour pouvoir le faire, il faut que tu l'aies mis ton bas après t'être purifié, après avoir fait ton wudu, d'accord. Donc tu fais ton wudu et là tu mets tes bas. À partir de ce moment-là, la prochaine fois que tu vas devoir faire ton wudu, t'as pas besoin de laver tes pieds encore au complet. T'as pas besoin d'enlever tes bas et laver tes pieds. Tu fais juste passer tes mains mouillées dessus, sur le dessus, et on va expliquer la preuve de ça. Le cheikh il dit que ça a été rapporté selon Mourir al-Mughira dans un hadith qui est authentique rapporté par al-Bukhari et Muslim, que une fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam était allé pour faire ses besoins, et puis quand il a terminé, yani al-Mughira est venu avec l'eau. Et il s'est penché pour essayer pour dire qu'il voulait retirer les khouf au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il voulait retirer qu'est-ce qu'il portait dans ses pieds. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, laisse-les, car je les ai mis alors que j'étais en état de pureté. Donc, à partir du moment que tu les as mis et que tu étais en état de pureté, la prochaine fois, tu n'as pas besoin de les retirer et de les laver tes pieds au complet. Tu peux uniquement passer tes mains dessus, d'accord. Et il mentionne un autre hadith aussi qui dit umirna an namsah 'ala al-khuffayn idha nahnu adkhalnahuma 'ala tuhrin. Ça c'est un autre hadith qui est rapporté selon l'imam rapporté par l'imam Ahmad selon Safwan ibn Assal. Et ce hadith-là, il dit, on nous a commandé que lorsque on a mis nos bas, lorsqu'on a mis nos bas en état de pureté, de uniquement passer nos mains sur le khouf ou bien sur le bas, plutôt que de les enlever et de laver nos pieds au complet. وهذا واضح شيخ دي هذا واضح الدلالة على اشتراط الطهارة عند اللبس للخفين فلو كان حال لبسهما محدثا لم يجوز المسح عليهما. Donc par exemple, le cheikh il dit que ça c'est un hadith, ce sont des hadiths qui sont clairs pour prouver que il faut absolument comme condition pour pouvoir le faire qu'on les ait mis dans nos pieds alors qu'on était en état de pureté. Si on les a mis nos bas alors qu'on était dans un état d'impureté, qu'on n'avait pas fait le wudu, dans ce cas-là, on n'a pas le droit de passer nos mains dessus. Ok? Ça c'est quelque chose d'important à comprendre. Et c'est une rukhsa, c'est une permission que Allah subhanahu wa ta'ala nous a donnée. Et donc il faut la prendre. Et ça facilite beaucoup notre vie. Ça facilite beaucoup notre pratique de l'islam. Et Allah subhanahu wa ta'ala il dit يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. Allah subhanahu wa ta'ala il veut pour vous la facilité, il ne veut pas pour vous la difficulté. Et malheureusement beaucoup de gens aujourd'hui ils négligent cette sunnah et ils pensent que c'est mieux de laver les pieds que de passer les mains sur les bas, alors que c'est le contraire. Et surtout dans les pays comme on vit en France ou en Angleterre ou en Europe ou au Canada, aux États-Unis, lorsqu'on est dans des endroits publics, souvent on est obligé de faire notre wudu dans des toilettes publiques, etc. Et le fait de devoir laver nos pieds, ça cause beaucoup de problèmes parfois, car on est obligé de mettre nos pieds dans le lavabo ou dans des choses comme ça, dans l'évier. Et quand on fait ça, souvent ça cause beaucoup de tort parce que ça mouille partout et puis ça crée des embarras. Et lorsqu'on fait ça, donc, c'est compliqué pour nous, pour rien. Tandis que si on suivait la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qu'on passait les mains mouillées sur nos bas, on aurait évité toute cette difficulté-là. Et une fois, ça m'a fait rire parce que justement, j'étais dans un endroit public comme ça et le concierge était là, il me regardait faire mon wudu et il attendait. Il attendait parce qu'il savait, je crois qu'il a sûrement eu l'expérience, c'est-à-dire il a déjà été en présence de musulmans qui faisaient leur wudu dans les toilettes. Alors, il m'attendait et lorsque je suis arrivé au moment où je devais faire mes pieds, il a dit « Mets pas tes pieds dans l'évier là. » Et puis moi, j'ai rien dit, je riais en fait, dans le sens que je souriais parce que je savais ce qu'il allait dire. Et là, j'ai mouillé mes mains et j'ai passé sur mes bas. Et là, quand il a vu ça, il a rien dit. Non, mais en fait, alhamdoulilah, c'est pour vous montrer que, yani, quand on suit la sunna, on évite beaucoup de complications et beaucoup de problèmes. Le cheikh, il dit, comme deuxième condition, الشرط الثاني ويشترط أن يكون الخف ونحوه مباحا فإن كان مغصوبا أو حريرا بالنسبة للرجل لم يجوز المسح عليه لأن المحرم لا تستباح به الرخصة. نعم. Donc le cheikh il mentionne et il dit comme deuxième condition, et ça c'est en passant c'est une condition sur laquelle il y a un désaccord entre les ulama. Il dit que c'est une condition qui dit que si il faut que le khouf ou le bas soit un bas qui est halal. Et là il explique, il dit par exemple si ce sont des bas qui ont été volés ou confisqués ou pris sans permission ou bien que ce sont des bas qui sont par exemple faits en soie pour les hommes, parce qu'on sait que la soie pour les hommes c'est haram. Le cheikh il dit que ce n'est pas permis de faire le masah dessus, car on n'a pas le droit de prendre une permission par quelque chose de haram. Et comme j'ai dit, ça c'est une condition sur laquelle il y a des accords d'opinion entre les ulama. Il y a des ulama qui disent que yani, si tu le fais, tu passes tes mains sur le bas, ou bien comme on avait expliqué dans la question du wudu, les conditions pour que le wudu soit valable. On avait mentionné qu'il fallait que l'eau soit une eau qui est moubah, c'est-à-dire c'est pas une eau qui a été prise sans permission ou des choses de ce genre, ou qui a été volée. Il y a certains ulama qui disent, si l'eau ou les bas, des choses comme ça ont été volées, eh ben il annule la validité de ta purification, ou bien ça te permet pas de pouvoir faire le masr. D'accord? Et ça, c'est une position parmi les positions des ulama. Toutefois, il y en a d'autres qui disent que le wudu est valable, hein, sauf que la personne a un péché. Mais le wudu est valable. Hein. Ou bien il y en a qui disent que pour cette question-là en particulier, comme le masque, pour passer les mains sur les bas, ils disent oui, ça va être valable, excepté que la personne a fait un péché d'avoir pris des bas sans permission, ou des choses de ce genre, ou bien d'avoir porté de la soie. D'accord, c'est un péché pour lui, mais ça ne veut pas dire que son wudu va pas être accepté. Mais le mieux, pour éviter tout doute, c'est de pas l'utiliser, c'est-à-dire de pas prendre ces choses-là pour le faire, hein, et d'éviter donc le désaccord. Ensuite, comme troisième condition, le cheikh il dit « وَيَشْتَرِتُ أَنْ يَكُونَ الْخُفُّ وَنَحْوُهُ سَاتِرًا لِلْرِجْلِ فَلَا يُمْسَحُ عَلَيْهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ ضَافِيًا مُغَطِّيًا لِمَا يَجِبُ غَسْلُهُ بِأَنْ كَانَ نَازِلًا عَنِ الْكَعْبِ أَوْ كَانَ ضَافِيًا لَكِنَّهُ لَا يَسْتُرُ الرِّجْلَ لِصَفَائِهِ أَوْ خِفَّتِهِ كَجَوْرَبٍ غَيْرِ صَفِيقٍ فَلَا يُمْسَحُ عَلَى ذَلِكَ كُلِّهِ لِعَدَمِ سِتْرِهِ. Donc le cheikh il dit ici qu'une des conditions pour qu'on puisse passer les mains sur les bas dans l'oudo, les mains mouillées sur les bas ou sur le khouf dans l'oudo, c'est que ça couvre le pied comme il faut, hein, jusqu'à comme on dit la cheville, hein. Le cheikh il dit si le bas ne couvre pas comme il faut jusqu'à la cheville, hein, comme si le bas est en bas de la cheville, ou si les chaussures sont en bas de la cheville, ou qu'est-ce qu'on porte dans nos pieds sont en dessous de la cheville, on ne peut pas faire le masque sur ça. On ne peut pas frotter nos mains dessus pour remplacer le lavage des pieds. Donc le cheikh il dit, mais si il couvre les pieds, mais qu'il est trop, par exemple, il couvre jusqu'à la cheville, mais qu'il n'est pas assez épais, il est trop mince, alors dans ce cas-là, c'est pas permis de l'utiliser non plus ou de faire le masque dessus parce que ça couvre pas suffisamment. C'est-à-dire, par exemple, il y a des gens, ils passent les mains sur les bas, mais ce sont des bas très très minces. C'est-à-dire dans le sens que on voit à travers les bas la couleur de la peau. Si on voit à travers les bas la couleur de la peau, dans ce cas-là, c'est pas permis de passer les mains dessus. Toutefois, s'il y a des trous ou des déchirures dans les bas, ça c'est permis, ça dérange pas. C'est seulement si il y a par exemple le fait que le bas soit, si c'est seulement si le bas est trop mince et qu'on peut voir la couleur de la peau, dans ce cas-là, c'est pas permis de l'utiliser ou de faire le masque dessus. Il faut enlever les bas et laver les pieds au complet. Ensuite, il mentionne le cheikh, il dit وَيَمْسَحُ عَلَى مَا يَقُومُ مَقَامَ الْخُفَّيْنِ فَيَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى الْجَوْرَبِ السَّفِيقِ الَّذِي يَسْتُرُ الرِّجْلَ مِنْ صُوفٍ أَوْ غَيْرِهِ لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين رواه أحمد وغيره وصححه الترمذي. C'est un hadith également qui est authentique et c'est le hadith numéro 100 d'Irwa al-Ghalil et Al-Albani il l'a mentionné authentique aussi. Et donc je vais expliquer le hadith c'est quoi. Ça dit, le cheikh il dit que c'est permis de frotter les mains, de passer les mains mouillées sur les khouf et toute autre chose qui prenne la place du khouf, comme les bas par exemple, hein. Que ce soit en cuir, ou que ce soit en laine, que ce soit en n'importe quel autre matériel, c'est pas une condition que le matériel soit du cuir, comme certains peuvent penser, hein. Il y a des gens qui mentionnent ça. Pourquoi? Ils pensent qu'il faut que ce soit en cuir parce que le khouf, d'habitude, c'est fabriqué avec du cuir. Donc, ils pensent que c'est obligatoire que le qu'est-ce qu'on porte dans nos pieds soit en cuir pour pouvoir passer les mains mouillées dessus. Et ça, c'est incorrect. Car toute autre chose, tout autre matériel qui est épais peut être utilisé pour faire le khouf, pour faire le masque, tant qu'on ne voit pas à travers. C'est permis. Et tant que ça tient tout par lui-même dans le pied, c'est-à-dire que tu n'as pas besoin de l'attacher par quelque chose, il tient tout seul. Quand tu vas marcher, il ne va pas s'enlever de tes pieds. D'accord? Et la preuve de ça, c'est que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a passé ses mains mouillées sur ses jawrab, sur son jawrab, c'est-à-dire sur ses bas et également sur ses sandales. Et ça, c'est rapporté par Ahmad et d'autres. Et c'est authentifié par At-Tirmidhi et comme j'ai dit dans Al-Albani, dans Irwa Al-Ghalil. Il est rapporté par Ahmad, Abu Daoud, At-Tirmidhi et Ibn Majah également. Après le cheikh il continue et il dit « وَيَسْتَمِرُّ الْمَسْحُ عَلَيْهِ إِلَى تَمَامِ الْمُدَّةِ دُونَ مَا يَلْبِسُ فَوْقَهُ مِنْ خُفٍ أَوْ نَعْلٍ وَنَحْوِهِ ولا تأثير لتكرار خلعه ولبسه إذا كان قد بدأ المسح على الجورب. Donc le cheikh il dit que tu continues à faire le mash jusqu'à la fin de la période, c'est-à-dire on va dire que tu as commencé supposons que tu as commencé le mash, disons bon, je vais vous donner un exemple plus complet comme ça vous allez comprendre. Bon, là, on a fait par exemple Salat al-Subh. Et pour faire Salat al-Subh, j'ai fait mon wudu, j'ai lavé mes pieds au complet. Et là, j'ai pris mes bas, je les ai rentrés dans mes pieds. Donc, j'ai porté mes bas et j'étais en état de pureté. Maintenant, j'ai prié la Salat al-Subh. Quand j'ai terminé la Salat, je suis allé dormir. Là, je me réveille. Et une fois que je suis réveillé, c'est la prière de Dhuhr. Alors, je m'en vais faire mon wudu. Maintenant, quand je fais mon wudu, au lieu d'enlever mes bas, qu'est-ce que je fais? J'ai dormi avec mes bas. Donc, qu'est-ce que je fais? Je passe mes mains mouillées sur mes bas. C'est à partir de ce moment-là que commence la période du masah. À partir de ce moment-là. Maintenant, j'ai 24 heures pour pouvoir le faire. Donc, ça veut dire que j'ai jusqu'au lendemain, avant la prière de Dhuhr, pour pouvoir faire le masah sur mes bas, pour passer mes mains mouillées sur le bas. D'accord? Donc, ça, c'est ça que le cheikh, il explique. Il dit, tu peux faire le masah jusqu'à la fin de cette période. Non. Donc, la personne continue à faire le masah jusqu'à la fin de la période. Mais si la personne par exemple elle porte ses bas puis par la suite elle met ses chaussures et ou elle met des sandales ou elle met une autre paire de bas, mais ça elle frotte pas sur la deuxième paire ou sur les chaussures ou sur les sandales, elle frotte uniquement sur sa première paire de bas qu'elle a portée, d'accord, et qu'elle enlève ses chaussures ou qu'elle les remette plusieurs fois, ça va pas avoir aucun effet sur le fait de passer la main sur sa paire de bas. Le cheikh il dit وَيَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى الْعِمَامَةِ بِشَرْطَيْنِ. Il est permis de passer les mains mouillées sur l'imama, c'est-à-dire sur un turban, si tu portes quelque chose sur ta tête, et bien dans ce cas-là c'est permis de passer tes mains mouillées par-dessus plutôt que de l'enlever au complet. Et le cheikh il dit il y a deux conditions. أحدهما تكون ساترة لما لم تجري العادة بكشفه من الرأس. Okay, il faut que ce soit quelque chose qui couvre la tête, et que c'est l'habitude qu'on le couvre. C'est quelque chose qu'on a l'habitude de ne pas découvrir de la tête. C'est-à-dire quelque chose qui est habituellement couvert. Il faut que ça couvre la partie de la tête qui est habituellement couverte. Donc j'espère que c'est assez clair. Deuxièmement, il dit الشرط الثاني أن تكون العمامة محنكة وهي التي يدار منها تحت الحنك دور فأكثر أو تكون ذات ذؤابة وهي التي يرخى طرفها من الخلف فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم المسح على الإمامة بأحاديث أخرجها غير واحد من الأئمة قال عمر من لم يطهره المسح على العمامة فلا طهره الله. نعم. Donc, qu'est-ce qu'il explique ici le cheikh? Il dit que il faut que le turban, l'imama, soit par exemple une imama qui est muhannaka, c'est-à-dire quoi? Une imama, un turban qu'on fait descendre un ou deux tons par le menton. Hein, ça c'est une des formes de porter, une façon de porter le turban, ou bien également une imama qui a une queue. Des fois on porte une imam, un turban et on laisse un morceau du turban sortir par derrière comme pour faire une queue et on la laisse passer par derrière. Le cheikh il dit que ça c'est mentionné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans des hadiths qui sont mentionnés par plusieurs des imams et c'est donc une preuve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait passer ses mains mouillées sur l'imam hein, plutôt que de l'enlever et de laver sa tête au complet ou de passer ses mains sur ses cheveux en avant, en arrière comme on fait d'habitude. Et le cheikh dit que ça, il y a une parole de Omar ibn al-Khattab là-dessus qui dit celui qui croit que de passer les mains mouillées sur l'imam hein, ça ne purifie pas alors que Allah ne le purifie pas. Ça c'est comme une sorte de dua contre cette personne qui met en doute cette sunna. Ensuite, le cheikh il dit إنما يجوز المسح على الخفين والعمامة في طهارة من الحدث الأصغر أما الحدث الأكبر فلا يمسح على شيء من ذلك فيه بل يجب الغسل ما تحتهما. Donc le cheikh il dit que ça là, la question de faire le mash sur les khuf ou sur le turban ou sur les bas, ça c'est seulement pour les petites impuretés, c'est-à-dire les impuretés mineures. En ce qui concerne les impuretés majeures, eh bien on n'a pas le droit de passer les mains dessus, il faut le laver au complet, c'est obligatoire. Après le cheikh il dit وَيُمْسَحُ عَلَى الْجَبِيرَةِ وَهِيَا أَعْوَادٌ وَنَحْوِهَا تُرْبَطُ عَلَى الْكَسْرِ وَيُمْسَحُ عَلَى الضِّمَادِ الذي يكون على الجرح. Donc al-jabira c'est quoi? C'est comme il dit que c'est permis de passer les mains sur une jabira. Une jabira c'est quoi? C'est quelque chose qu'on met sur une cassure lorsqu'on a un bras cassé, comme un plâtre ou des choses de ce genre. Eh ben on va pas enlever le plâtre à chaque fois qu'on veut faire le wudu. Qu'est-ce qu'on fait? On passe nos mains mouillées par-dessus le plâtre ou par-dessus le truc qu'on peut mettre sur notre bras pour empêcher le bras de bouger, pour pas nuire à pour permettre à la cassure de guérir. Et également on peut passer les mains mouillées, une main mouillée sur un pansement, comme par exemple quand on a une blessure quelque part, une coupure ou quelque chose de ce genre, on a mis un pansement dessus, pas nécessaire d'enlever le pansement pour laver le bras au complet, on passe uniquement la main mouillée à l'endroit où il y a ce pansement là. Après le cheikh il dit وكذلك يمسح على اللصوق الذي يجعل على القروح كل هذه الأشياء يمسح عليها بشرط أن تكون على قدر الحاجة بحيث تكون على الكسر أو الجرح وما قرب منه مما لا بد من وضعها عليه لتؤدي مهمتها فإن تجاوزت قدر الحاجة لازمه نزع ما زاد عن الحاجة. Donc le cheikh il dit que on peut passer également la main mouillée sur un collant, comme par exemple on a les c'est comme un genre de truc qu'on colle là, c'est lorsqu'on a une coupure ou une blessure, on met ça de par dessus, ça colle. Je sais pas comment on appelle ça en français là. Une sorte de pansement qui colle. En tout cas, vous comprenez de quoi je parle, Inch'Allah. Et Il dit donc, on peut passer la main là-dessus également. Il n'y a pas besoin de l'enlever si on a une blessure, etc. Et il faut, par exemple, comme condition, le cheikh dit qu'il ne faut pas que le pansement soit trop grand, plus grand, beaucoup plus grand que la blessure elle-même ou de l'endroit. Comme par exemple, si tu as un petit bobo là ou quelque chose à un endroit sur ton bras, et tu ne vas pas mettre un truc qui va couvrir ton bras au complet, tu vas mettre quelque chose qui est à l'endroit où tu as besoin de laver ton bras, etc. Donc, sinon, tu dois, le cheikh dit, si ça dépasse l'endroit où c'est nécessaire de l'avoir, et bien dans ce cas-là, tu dois enlever le surplus de pansement. Après, il dit, ويجوز المسح على الجبيرة ونحوها في الحدث الأصغر والأكبر وليس للمسح عليها وقت محدد بل يمسح عليها إلى نزعها أو برء ما تحتها لأن مسحها لأجل الضرورة إليها فتقدر بقدر الضرورة. Le cheikh dit, il est permis de passer la main sur le jabira pour une hadaf, pour une impureté qui est mineure ou majeure, comme un pansement ou quelque chose, un plâtre. Ça, c'est permis de passer la main dessus avec l'eau, la main mouillée dessus et de faire le masr. Et il n'y a pas de limite de temps pour ça. On peut le faire tant que on l'enlève, jusqu'à ce qu'on l'enlève quand on est guéri, quand ce qui est en dessous est guéri. Et le cheikh il dit pourquoi parce qu'on passe nos mains mouillées là-dessus parce que c'est une nécessité, on n'a pas le choix, et donc c'est selon la nécessité. Où en étions-nous? Le cheikh il dit, والدليل على المسح على مسح الجبيرة حديث جابر رضي الله عنه قال خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم فسأل أصحابه هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء. فاغتسل فمات. فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال قتلوه قاتلهم الله. ألا سألوا إذا لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال وإنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها. رواه أبو داود وابن ماجه وصححه ابن السكن. Donc le cheikh dit, la preuve qu'on peut passer la main sur le pansement, c'est le hadith sur le pansement ou sur le plat ou des choses comme ça. C'est le hadith de Jabir radiallahu anhu, dans lequel on dit que il dit, nous sommes sortis dans un voyage et un d'entre nous, un homme parmi nous, il y a une roche, une pierre qui lui a cogné la tête et ça lui a fait une coupure sur la tête, ou une blessure sur la tête. Et pendant son sommeil, il a eu un ihtilam, c'est-à-dire il a eu une éjaculation durant son sommeil, disons. Donc, il a demandé à ses compagnons, est-ce que vous voyez que j'ai une permission pour faire le tayammum? Ils ont dit, non, tu n'as pas de permission puisqu'il y a de l'eau et tu es capable de faire le ghusl. Alors, il a fait le ghusl, il s'est lavé et il est mort. Alors, lorsqu'ils sont arrivés voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils lui ont donné l'information. Ils lui ont dit qu'est-ce qui était arrivé. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ils l'ont tué. Ils l'ont tué, que Allah les maudisse. Et après, il a dit, si seulement ils avaient demandé s'ils ne savaient pas. Parce que le remède de l'ignorance, c'est la question, c'est de poser la question. Et après, il a dit, il était suffisant pour lui de faire le tayammum et de mettre un pansement sur sa blessure et puis de passer sa main dessus. Et ça, c'est rapporté par Abu Dawud, Ibn Majah et c'est authentifié par Ibn Sakhan, et également il est authentifié par Sheikh Al-Albani. Il est sahih. Ensuite, c'est quoi le Sheikh dit mahal al-mashi min hadhihi al-hawa'il. Qu'est-ce qu'on doit frotter de ces choses-là, yani de qu'est-ce qu'on a mentionné, des bas, du khuf, ou bien de l'imama, ou bien des pansements. Qu'est-ce qu'on doit frotter de ces choses-là? Le Cheikh dit yamsahu zahir al-khuf wal jawrab. Donc, qu'est-ce qu'on doit frotter du bas et des khuf? C'est le dessus en haut, hein, le dessus du pied, et non en dessous. Comme ça a été rapporté que Ali a dit, si la religion était uniquement par la raison, eh bien on devrait laver en dessous, puisque c'est là-dessus qu'on marche, c'est-à-dire en dessous, c'est là qui est sale, et non pas le dessus. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné, lui, de frotter le dessus. Donc c'est pas, ça prouve qu'il faut suivre l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam et frotter le dessus. Après il dit, « وَيُمْسَحُ أَكْثَرَ الْعِمَامَ » ويختص ذلك بدوائرها ويمسح على جميع الجبيرة. Donc sur le pour le turban, eh ben tu frottes ou tu passes tes mains sur la, le plus que tu peux de du turban, et en particulier les tours. Et après il dit pour le pansement ou le bandage, tu passes sur tout au complet, tout le bandage au complet ou tout le plâtre au complet. Et après il dit وصفة المسح على الخفين أن يضع أصابع يديه مبلولتين بالماء على أصابع رجليه ثم يمرهما إلى ساقه يمسح ويمسح الرجل اليمنى باليد اليمنى والرجل اليسرى باليد اليسرى ويفرج أصابعه إذا مسح ولا يكرر المسح ووفقنا الله. Le Cheikh il dit que la façon dont tu dois faire le masah sur les bas, c'est de prendre le bout de tes doigts mouillés, hein, ou tes mains mouillées, et le bout de tes doigts mouillés, et tu passes sur le bout de tes orteils et tu remontes jusqu'à ta cheville. Et tu fais la même chose, c'est-à-dire, il dit, tu prends ta main droite sur le pied droit et ta main gauche sur le pied gauche, et puis tu remontes. Et c'est ça, il dit que tu le fais juste une fois, tu ne le fais pas plusieurs fois. Et bien entendu, il y a différence d'opinion là, à ce sujet-là. Il y en a qui disent, tu peux prendre ta main droite, puis tu le fais sur le droit et la gauche, il y en a d'autres qui disent d'autres choses. Donc, alhamdoulilah, ça c'est un sujet qui n'est pas... c'est-à-dire il y a la possibilité de faire différentes façons. Ensuite, le cheikh il parle maintenant d'un autre chapitre. Il dit Babun fi bayani nawaqid al wudu. Le chapitre qui explique c'est quoi les choses qui annulent le wudu. Le cheikh il dit عرفت مما سبق كيف يتم الوضوء بشروطه وفروضه وسننه كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم فكنت بحاجة إلى معرفة ما يفسد هذا الوضوء ويوقده لئلا تستمر على وضوء قد بطل حكمه فتؤدي به عبادة لا تصح منك. Donc le cheikh il dit que maintenant tu as compris comment faire ton wudu avec ses conditions, ses obligations et avec ses choses recommandées, et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam te l'a expliqué, comme il l'a expliqué sallallahu alayhi wa sallam. Donc maintenant tu as besoin de savoir qu'est-ce qui annule, hein, qu'est-ce qui annule ce wudu maintenant, qu'est-ce qui annule ce wudu pour pas que tu continues à faire une adoration alors que ton wudu est annulé. Donc tu vas faire une adoration ou tu vas faire une prière ou quelque chose comme ça qui nécessite le wudu alors que ton wudu a été annulé et que tu continues à le faire, ça c'est quelque chose qui serait mauvais. Donc le cheikh il dit فَعْلَمْ أَيُّهَا الْمُسْلِمْ أَنَّ لِلْوُضُوءِ مُفْسِدَاتٌ لَا يَبْقَى مَعَ وَاحِدٍ مِنْهَا لَهُ تَأْثِيرٌ فَيَحْتَاجُ إِلَى اسْتِئْنَافِهِ مِنْ جَدِيدٍ عِنْدَ إِرَادَتِهِ مُوَازَلَةَ عَمَلٍ مِنْ أَعْمَالِ الَّتِي يُشْرَعُ لَهَا الْوُضُوءِ. Naam, donc il dit, sache, ô toi le musulman, qu'il y a des choses qui annulent ton wudu. Et lorsque tu le fais, eh ben ton wudu ne sera, lorsque tu auras c'est une de ces choses qui annule ton wudu, eh ben tu peux plus considérer que tu es en état de pureté. Et donc tu as besoin de le refaire. Tu as besoin de refaire ton wudu si tu veux continuer à faire cette action là ou ces actions là pour lesquelles le wudu est demandé ou légiféré. Et le cheikh il dit wa hadhihi al mufsidat tusamma nawaqid wa tusamma mubtilat wal ma'na wahid. Et il dit ces choses là qui annulent ton wudu, on les appelle soit nawaqid ou bien mubtilat. Nawaqid ça vient de naqid et mubtilat ça vient de batil. Qu'est-ce qui rend ton wudu batil? Après le cheikh il dit wa hadhihi al mufsidat ou al nawaqid ou al mubtilat أمور عينها الشارع وهي علل تؤثر في إخراج الوضوء عما هو المطلوب منه. ces choses là qui annulent le wudu, le législateur, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, il les a mentionnées, il les a clarifiées, et ce sont des choses qui font en sorte que tu perds ton wudu lorsqu'elles se sont produites. Et là, il mentionne, il dit, هي إما أحداث تنقض الوضوء بنفسها كالبول والغائط وكسائر الخارج من السبيلين وإما أسباب للأحداث بحيث إذا وقعت تكون مظنة لحصول الأحداث كزوال العقل وتغطيته بالنوم والإغماء والجنون فإن زال العقل لا يحس بما يحصل منه فأقيمت المظنة مقام الحدث. Qu'est-ce que ça veut dire? Soit que ces choses-là qui annulent le wudu, soit des impuretés par elles-mêmes, hein, comme par exemple l'urine, les selles, ou bien toute autre chose qui sort par les deux voies, sabilein, c'est-à-dire soit par l'endroit où on urine ou l'endroit où on va aux toilettes quand on fait nos besoins comme les selles. Ça c'est les deux, qu'on appelle les deux voies. Toutes choses qui sortent de ces deux voies-là sont considérées comme impures et ça, on est obligé de refaire le wudu lorsque quelque chose est sorti de ces deux voies-là. Et le cheikh il dit, ou bien que ce soit des choses qui nous rendent impures parce que ça nous fait perdre la conscience du fait de savoir est-ce qu'il y a quelque chose qui est sorti de ces deux voies-là ou non. Et il donne comme exemple, par exemple, le fait de perdre la raison ou de perdre la conscience, comme quand on est en train de dormir dans notre sommeil, ou bien si quelqu'un devient fou, par exemple, et bien dans ce cas-là, il ne peut pas être conscient du fait est-ce qu'il a perdu son wudu ou non. Donc dans ce cas-là, c'est obligé pour lui de refaire son wudu. Et maintenant, le cheikh va expliquer en détail. Il dit وإليك بيان ذلك بالتفصيل. Premièrement, parmi les choses qui annulent ton wudu, al-kharij min sabil. Hein? Qu'est-ce qui sort par une voie? Comme par exemple, man ay min makhraj al-bawl wal-gha'id. Qu'est-ce qui sort par l'endroit où l'urine et les selles sortent? فالخارج من السبيل إما أن يكون بولا أو منيا أو مذيا أو دما أو دم استحاضة أو غائط أو ريح. Donc tout ce qui sort par ces deux voies là, que ce soit de l'urine, du sperme, le liquide spermatique, hein, ou bien on appelle ça le mavi, hein. Le mani c'est le sperme et le mavi c'est l'autre qui est plus comme transparent puis qui est liquide. Istihada, dam istihada, c'est-à-dire le sein, c'est pas le sein des menstruations, c'est le sein qui est causé par une hémorragie ou bien une veine qui laisse couler le sang, comme dans le cas où certaines femmes qui ont toujours des écoulements de sang à longueur de semaine, même si elles ont fini leurs règles, et ça, c'est, on appelle ça istihada. Ce sang-là, c'est un exemple de ça qui peut sortir par une des deux voies. Et après il dit également Al-Ra'id, comme les sels, ou bien un gaz. Hein, donc tout ce qui sort par ces deux voies-là, eh ben, c'est quelque chose qu'on doit, qui nous oblige à refaire notre wudu. Le cheikh, maintenant, il donne des explications plus détaillées. Et il dit, فَإِنْ كَانَ الْخَارِجُ بَوْلًا أَوْ غَائِطًا فَهُوَ نَاقِدٌ لِلْوُضُوءِ بِالنَّصِّ وَالْإِجْمَاعِ قال تعالى في موجبات الوضوء أو جاء أحد منكم من الغائط. Donc là il mentionne les preuves. Ok. Comme par exemple, si qu'est-ce qui sort par ces voies-là, c'est l'urine et les selles. Dans ce cas-là, ça annule le wudu par le texte du Coran et de la Sunna et par l'ijma, c'est-à-dire le consensus. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit à ce sujet-là, parmi les obligations du wudu, « Awja ahadun minkum min al-ra'id » Et ça, c'est rapporté, et ça, c'est surat Al-Ma'ida, le verset 6. « Et si l'un d'entre vous revient de al-ra'id » c'est-à-dire des toilettes, yani. « Al-makan al-munkhafid » c'est al-ra'id. Un endroit qui est plus bas, c'est dans la langue arabe, on appelle ça ra'id. Et après, ça a été, on a donné ce nom-là au sel. Maintenant, on appelle les selles ra'it, parce que c'est à l'endroit où on va faire justement nos selles. En tout cas, maintenant le cheikh dit, وَإِنْ كَانَ مَنِيًّا أَوْ مَذِيًّا فَهُوَ يَنْقُضُ الْوُضُوءُ بِدِلَالَةِ الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ حَكَى الْإِجْمَاعُ عَلَى ذَلِكَ ابْنُ الْمُنْذِرِ وَغَيْرُهُ. Donc deuxièmement, le cheikh il dit que si par exemple ce qui sort par ces deux voilà, c'est du sperme ou bien du madi, hein. Madi, c'est le petit liquide, comme j'ai dit tout à l'heure, qui vient lors d'une excitation avant des rapports sexuels ou lorsqu'on embrasse notre femme ou des choses comme ça. Et ça, c'est des choses, un liquide qui sort, qui n'est même pas, on le sent même pas, et puis il est transparent. Donc ce liquide-là, quand il sort, il faut faire son wudu, il faut refaire son wudu. Et ça annule ton wudu, et le sperme également. Excepté que le sperme, il faut refaire l'ablution, le ghusl complet, et non seulement la petite ablution. Et le cheikh il dit que ça c'est prouvé par des hadiths qui sont authentiques, et également il y a une ijma qui a été rapportée à ce sujet-là, c'est-à-dire un consensus des ulama rapporté par Ibn al-Munzir et d'autres parmi les ulama. Ensuite, il dit, وكذلك ينقض خروج دم الاستحاضة وهو دم فساد ولا لا دم حيض لحديث فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت تستحاض فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم فتوضئي وصلي فإنما هو عرق رواه أبو داود والدارقطني قال إسناده كلهم ثقات. Donc le cheikh il dit également, on peut dire que ce qui sort, par exemple le sang qui sort des écoulements de sang à cause d'une hémorragie ou quelque chose comme ça, il dit ça c'est pas du sang de menstruation, mais c'est juste du sang qui coule comme ça en dehors des périodes de menstruation. Et ça il dit dans ce cas-là, c'est quelque chose qui annule le wudu. Et le cheikh il dit que ça c'est rapporté dans le hadith de Fatima bint Hubaysh, et elle a dit que elle avait toujours du sang qui coulait, et même quand c'était pas ses règles. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, fais ton wudu et fais ta prière. Avant chaque prière, fais ton wudu et tu fais ta prière, parce que c'est pas des menstruations, c'est juste une veine qui fait couler du sang. Donc c'est ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit. Et là, c'est ce que la femme qui a des menstruations qui continue, qui après ses menstruations elle a encore du sang qui continue à sortir. Donc dans son cas elle doit seulement faire son wudu et faire sa prière. Elle met un tissu ou quelque chose qui empêche le sang de sortir, et elle fait son wudu et elle prie. Et la même chose pour la personne qui a par exemple l'incontinence, qui n'est pas capable de se retenir, lorsqu'il a envie, il met quelque chose qui empêche l'urine de toucher ses vêtements, puis il fait sa prière, il fait son wudu avant chaque prière. Après, il dit que ça c'est rapporté par Imam Abu Dawood et At-Tirmidhi, Abu Dawood et Ad-Darqutni. Donc ça c'est un hadith également qui est sahih, on a vérifié, et Cheikh Al-Albani l'a mentionné également parmi les hadiths authentiques. Et Ad-Darqutni a dit que tous les hommes, les rapporteurs de cette chaîne, des narrateurs de ce hadith sont tous des gens fiables, fiqat. Après il dit وكذا ينقض الوضوء خروج الريح بدلالة الأحاديث الصحيحة والإجماع قال صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. Donc le cheikh il dit également le fait de passer un vin, de passer un gaz, ça annule l'ablution, et c'est prouvé par les hadiths authentiques et par l'ijma. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte pas la prière d'aucun d'entre vous lorsqu'il a perdu son wudu, jusqu'à ce qu'il se purifie et qu'il fasse son wudu. Ok, et c'est aussi le cheikh il dit وقال صلى الله عليه وسلم في من شك هل خرج منه ريح او لا لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. C'est un hadith muttafaq alayh, rapporté par Muslim et al-Bukhari et Muslim, selon Zayd Abdullah ibn Zayd, et dans le hadith de Muslim c'est selon Abi Huraira, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le cheikh dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à propos de la personne qui avait un doute, est-ce qu'il a eu un gaz ou non, il dit ne quitte pas la prière tant que tu n'as pas entendu un son et que tu n'as pas senti une odeur. Donc si tu trouves que dans ton ventre il y a des gargouillements là, puis des gaz dans ton ventre, et puis après, pendant ta prière, tu sais pas est-ce que tu as perdu ton wudu ou non, tu as un doute, parfois même tu peux même sentir comme si quelque chose, t'es pas sûr, est-ce qu'il y a quelque chose qui est sorti ou non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si tu n'as pas entendu un son, que tu n'as pas senti une odeur, alors tu restes dans ta prière. Et le cheikh il dit, amma al-kharijou min al-badan min ghayri sabilayn kaddam wal-qay wal-ru'a فموضع خلاف بين أهل العلم هل ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء على قولين الراجح أنه لا ينقض الوضوء ولكن لو توضأ خروجا من الخلاف لكان أحسن. Donc le cheikh il dit quoi, il dit si par exemple il y a quelque chose qui sort par autre que les deux voies, c'est-à-dire par autre que les endroits où on fait l'urine et par où on va aux toilettes pour faire nos selles, et bien si ça sort par autre, comme par exemple le sang ou les vomis, le fait de vomir, ou bien par exemple un rouard, c'est-à-dire par exemple quand on saigne du nez, ça c'est des choses sur lesquelles il y a différence d'opinion entre les ulama. Est-ce que ça annule ton wudu ou non? Il y a deux positions, et le cheikh il dit la position correcte c'est que ça n'annule pas ton wudu, mais si tu faisais ton wudu pour sortir de la différence d'opinion, ce serait mieux, c'est-à-dire ce serait plus disons lorsqu'il y a une différence d'opinion, eh ben si tu le fais ton wudu dans ce cas-là, tu serais plus disons tu aurais été plus près de qu'est-ce qui est certain. Et donc, c'est-à-dire, si par la preuve de ça, la preuve que ça annule pas l'eau d'eau, parmi les ulama qui ont dit que ça annule pas l'eau d'eau, ils ont amené l'exemple que, par exemple, il y a des sahaba durant le temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui allaient dans le djihad et tout, et puis, lorsqu'ils combattaient contre les koufars, ils étaient souvent blessés, ils avaient des blessures partout, et puis le sang qui jaillissait de leurs blessures, et ils continuaient quand même à faire la prière malgré qu'ils avaient du sang sur eux. Donc ça prouve que d'avoir le sang sur nous, ça n'annule pas la prière et ça n'annule pas le wudu, wallahu a'lam. Donc c'est ça que le cheikh explique. Ensuite le cheikh il dit la deuxième chose qui annule le wudu, c'est quoi? من النواقض زوال العقل وتغطيته وزوال العقل يكون بالجنون ونحوه وتغطيته تكون بالنوم أو الإغماء ونحوهما فمن زال عقله أو غطي بنوم ونحوه انتقض وضوءه لأن ذلك مظنة خروج الحدث وهو لا يحس به. Donc le cheikh il dit que parmi les choses qui annulent ton wudu, c'est le fait de perdre sa raison ou de d'avoir la raison qui est couverte par exemple, et le fait de perdre sa raison, c'est-à-dire soit en devenant fou ou des choses de ce genre, ou bien par exemple, qu'est-ce qui couvre ta raison, c'est comme le sommeil par exemple, ou bien quelque chose qui est dans ce sens-là, tu perds connaissance. Ok, dans ce cas-là, pourquoi on dit que ça annule le wudu? C'est parce que lorsque tu dors ou lorsque tu lorsque par exemple tu as eu par exemple tu as perdu la conscience ou tu es devenu fou ou bien tu as des choses de tu as eu une de ces choses là hein, et ben ça fait en sorte que tu ne peux pas rester conscient. Est-ce que tu as perdu ton ablution ou non? Est-ce que tu as eu un gaz ou non? Tu peux pas savoir puisque tu dormais. Donc étant donné qu'on n'est pas certain que t'es pas certain que tu as gardé ton wudu, et dans ce cas-là, tu refais ton wudu, tu dois refaire ton wudu, c'est une chose qui annule le wudu. Et le cheikh il dit, إلا يسير النوم فإنه لا ينقض الوضوء لأن الصحابة رضي الله عنهم كان يصيبهم النعاس وهم ينتظرون الصلاة وإنما ينقضه النوم المستغرق جمعا بين الأدلة. Donc le cheikh, qu'est-ce qu'il explique? Il dit que si c'est un sommeil qui est léger, eh bien ça annule pas le wudu. Parce que les sahaba, parfois, ils attendaient la prière et puis ils somnolaient. Et parfois même, ils cognaient des clous là, en attendant. Et même, certains hadiths mentionnent que certains d'entre eux, ils ronflaient un peu en attendant la salat. Donc c'est juste pour dire que si c'est un petit sommeil léger qui te fait pas perdre la conscience, et certains ulama ont dit il faut que tu sois, si par exemple tu es en position assise ou des choses comme ça, mais c'est juste pour faire comprendre que lorsque, tant que tu n'as pas complètement perdu ta conscience, hein, et bien dans ce cas-là, ça annule pas ton wudu. Il faut que ce soit un sommeil léger. Par contre, si c'est un sommeil qui est profond, et bien là, dans ce cas-là, tu dois refaire ton wudu. Et ensuite, il dit comme troisième condition, il dit ومن نواقض الوضوء أكل لحم الإبل سواء كان قليلا أو كثيرا لصحة الحديث فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصراحته. Le cheikh il dit que également une chose qui annule le wudu, c'est le fait de manger la viande de chameau, peu importe que tu en aies mangé beaucoup ou peu, ça annule ton wudu. Et il dit que la preuve de ça, c'est un hadith rapporté par Muslim selon Jabir ibn Samura, et également il y a un autre hadith rapporté là-dessus par Al-Bara ibn Azib qui est rapporté par Ahmad, Abu Daoud, At-Tirmidhi et Ibn Majah, et ça c'est des hadiths clairs selon le prophète du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui prouvent que il faut refaire le wudu après avoir mangé la viande de chameau. Et le cheikh il mentionne, il dit قال l'imam Ahmad رحمه الله فيه حديثان صحيحان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أكل اللحم من غير الإبل فلا ينقض الوضوء. Le cheikh il dit que l'imam Ahmad a dit il y a deux hadiths sahih du prophète صلى الله عليه وسلم à ce sujet là et il dit en ce qui concerne la viande d'autre que le chameau, eh bien, elle n'annule pas le wudu. Après, le cheikh dit وهناك أشياء قد اختلف العلماء فيها هل تنقض الوضوء أو لا وهي مس الذكر ومس المرأة بشهوة وتغسيل الميت والردة عن الإسلام. Le cheikh dit il y a des choses sur lesquelles les ulama ont eu des divergences d'opinion. Est-ce que ça annule le wudu ou non? Comme par exemple le fait de toucher à ses parties génitales, ou bien le fait qu'on touche à une femme avec désir. Parce qu'en ce qui concerne le fait de toucher la femme sans désir, ça, ça n'annule pas le wudu. Hein, selon ce qui est correct, la preuve, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parfois même, il a embrassé ses femmes, ou bien tout, hein, et puis il allait faire la prière. Donc, tant que c'est pas avec shahwa, ça n'annule pas le wudu. Mais si c'est avec shahwa, il y a des ulama qui disent oui, ça annule le wudu, d'autres qui disent non. Et la question, il y a avec le shahwa, c'est-à-dire parce que pourquoi? Parce qu'ils disent s'il y a une shahwa, eh bien, ça risque de te faire sortir le mazi, eh bien, et puis dans ce cas-là, tu vas perdre ton wudu. Hein. Mais ça, c'est, ça dépend des, comme on dit, ça dépend de la situation. Il y en a qui spécifient, qui détaillent. Il y a une autre question, c'est-à-dire tarsil ul mayit. Si tu as lavé un mort, est-ce que tu dois faire le wudu ou non? Il y en a qui disent que le musulman n'est pas jamais impur, qu'il soit vivant ou mort. Donc le fait de laver le wudu, est-ce que de laver le mort, est-ce que tu dois faire ton wudu ou non? Il y en a qui disent que tu le refais parce que c'est sunna seulement. Il y en a d'autres qui disent non, tu dois le refaire parce que ça annule le wudu. Il y en a une autre question aussi qui est de toucher les parties génitales. Il y a un hadith qui dit que c'est juste une partie de toi. Donc tu n'as pas besoin de le refaire. Donc il y a une différence d'opinion à ce sujet-là. Et donc le cheikh dit également ridda anil islam, c'est-à-dire quelqu'un qui a quitté l'islam, quand il revient, est-ce qu'il doit refaire son wudu ou non? Le cheikh il dit famine al ulama, il y en a parmi les ulama qui ont dit quoi? Qui ont dit que chacun de ces questions là, il y en a qui disent que ça annule tout le wudu. Elles annulent tout le wudu. Il y en a d'autres qui ont dit non, elles n'annulent pas le wudu. Et le cheikh il dit que ce sont des questions qui sont basées sur l'ijtihad et sur l'observation et sur l'étude. Chacun a eu des opinions différentes là-dessus. Le cheikh il dit toutefois, si quelqu'un faisait le wudu lors de ces choses-là pour éviter le désaccord, eh bien ce serait meilleur. D'accord? Le cheikh il dit que c'est mieux de le faire pour éviter le désaccord entre les ulama. Ensuite il dit هذا وقد بقيت مسألة مهمة تتعلق بهذا الموضوع وهي من تيقن الطهارة ثم شك في حصول ناقد من نواقدها فماذا يفعل؟ لقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه أم لا أم خرج منه شيء أم لا فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا أخرجه مسلم فدل هذا الحديث الشريف وما جاء بمعناه على أن المسلم إذا تيقن الطهارة وشك في انتقادها أنه يبقى على الطهارة لأنها الأصل ولأنها متيقنة وحصول الناقد مشكوك فيه واليقين لا يزول بالشك وهذه قاعدة عظيمة عامة في جميع الأشياء أنها تبقى على أصلها حتى يتيقن خلافها وكذلك العكس إذا تيقن الحدث وشك في الطهارة فإنه يتوضأ لأن الأصل بقاء الحدث فلا يرتفع بالشك. Donc on va expliquer ce dernier point là. Hein, le cheikh il dit c'est un point très important qui reste à expliquer à ce sujet là et c'est le point qui dit lorsque quelqu'un est certain d'avoir fait sa purification puis ensuite il doute est-ce que j'ai perdu mon wudu ou non, qu'est-ce qu'il fait? Le cheikh il dit c'est rapporté selon le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith rapporté selon Muslim, dans Muslim selon Abu Huraira radiallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit lorsque l'un de vous trouve quelque chose dans son ventre, hein, il a des gaz dans son ventre, quelque chose qui gargouille. Et puis, il a des gaz, il sent qu'il a des flatulences, hein, comme on dit. Il n'est pas sûr. Est-ce qu'il a sorti quelque chose ou non? Est-ce qu'il a eu un gaz ou non? Donc, le cheikh dit, le hadith dit, il ne doit pas sortir de la mosquée. C'est-à-dire, il ne doit pas sortir pour aller faire son wudu jusqu'à ce qu'il entende un son ou qu'il trouve une odeur. Et ça, c'est un hadith rapporté par Muslim. Cheikh dit ensuite, فَدَلَّ هَذَا الْحَدِيثِ أَسْأَنَ الشَّرِيفِ. Il dit, ce hadith-là montre que le musulman, lorsqu'il est certain d'avoir sa pureté et qu'il doute de l'avoir perdue, il se base sur la base, il se base sur la pureté, sur qu'est-ce qu'il est certain. Hein, parce que la certitude, elle peut pas être enlevée par un doute. Tu peux pas perdre ta certitude par un doute. Ok? Donc toi, tu es certain d'avoir fait ton wudu, tu te souviens, tu dis oui, j'ai fait mon wudu, telle heure, je me souviens, je l'ai fait. Tu dis mais par contre, je suis pas sûr. Est-ce que j'ai eu un gaz ou non? Est-ce que j'ai perdu mon wudu ou non? T'es pas certain? Tu fais pas ton wudu. Tu continues, tu fais ta prière normale. Ok? Pourquoi? Parce que ta certitude, elle est là. Puis t'as un doute qui vient la mettre en question, tu la refais pas, ton wudu. D'accord? Et il dit que ça, c'est une des règles dans la charia qui dit al-yaqin la yazalu bishak, la yazulu bishak. Donc, tu peux pas perdre ta certitude à cause d'un doute. Et ça, c'est une règle fondamentale dans le fiqh, dans aussi le fiqh même, une qa'ida fiqhiya. Et tu peux l'appliquer à tous les domaines. Hein? Que lorsque quelque chose est à la base et que tu en es certain et que tu doutes de quelque chose qui est contraire, eh bien, tu restes sur qu'est-ce que tu es certain. Et si le contraire est vrai, eh bien, c'est vrai également. Comme par exemple, tu es certain que tu as perdu ton wudu. Tu es certain d'avoir perdu ton wudu. Mais tu doutes. Est-ce que je me suis purifié après ou non? Est-ce que j'ai fait un wudu après ou non? Je me souviens qu'à telle heure, comme par exemple, à 9h30, j'ai eu un gaz. Ça, c'est certain, je me souviens de ça avec certitude, il n'y a pas de doute. Mais après, je ne me souviens pas. Est-ce que j'ai fait mon wudu après ou non? Je pense que je l'ai fait, mais je ne suis pas sûr. Tu refais ton wudu parce que tu as un doute. Mais t'es certain d'avoir perdu ton wudu. Donc, tu te bases toujours sur la certitude. C'est la même chose même dans la prière. Tu dis, subhanallah, est-ce que j'ai fait deux rak'at ou une? Est-ce que j'ai fait deux sujoud ou une? Tu te bases sur la certitude. Tu es certain d'en avoir fait une, alors fais-en une deuxième. Ok? Tu te bases toujours sur la base, sur qu'est-ce que tu es certain. D'accord? C'est ça que le cheikh explique. أخي المسلم يجي أخي المسلم عليك بالمحافظة على الطهارة للصلاة والاهتمام بها لأنها لا تصح الصلاة بدون طهور كما يجب عليك أن تحذر من الوسواس وتسلط الشيطان عليك بحيث يخيل إليك انتقاد طهارتك ويلبس عليك فاستعذ بالله من شره ولا تلتفت إلى وسواسه واسأل أهل العلم عما أشكل عليك من أمور الطهارة لتكون على بصيرة من أمورك واهتم أيضا بطهارة ثيابك من النجاسة لتكون صلاتك صحيحة وعبادتك مستقيمة فإن الله سبحانه وتعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين وفقنا الله جميعا للعلم النافع والعمل الصالح. Donc pour terminer, on va dire ici le cheikh dit, mon frère musulman, il dit préserve ta purification pour ta prière et donne-lui une grande importance. Et car ta prière ne peut pas être acceptée si tu es pur. Et donc, il est obligatoire pour toi de prendre garde. Et de prendre garde en particulier aux trucs du shaitan, les doutes qu'il vient te souffler et qu'il vient te mettre dans ton esprit. Et fais attention non plus que le shaitan ne vienne pas prendre le dessus sur toi pour te faire croire que tu as perdu ton wudu alors que tu as encore ta pureté. Hein? Il y a beaucoup de gens comme ça, ils se font jouer des tours par le shaitan. Le shaitan, il vient et dit, ah, t'as perdu ton wudu, il faut que tu refasses ton wudu. Donc, le shaykh, il dit, cherche le refuge en Allah contre le mal du shaitan et contre les doutes qu'il vient te souffler. Et demande à Allah subhanahu wa ta'ala le ilm. Et il dit, demande aux gens du ilm, hein, tout ce qui est difficile, tout ce qui est compliqué pour toi, des questions de tahara, de pureté, demande-leur de t'expliquer pour que tu puisses appliquer ta religion avec clarté. Hein, et connaissance. Et il dit, donne une importance au fait de purifier tes vêtements de toute impureté également pour que ta prière soit valable et pour que tes adorations soient droites. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit qu'il aime les gens qui se repentent constamment et qui se purifient constamment. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le succès à tous d'avoir la bonne connaissance bénéfique et d'avoir les bonnes œuvres. Donc on arrête ici aujourd'hui, inshallah, et puis demain, qu'est-ce qu'on va expliquer, bi'iznillah, c'est les règles du ghusl, comment on fait le ghusl, et également comment on fait le tayammum. D'accord? Donc ça, ça va être les deux cours pour demain. Inch'Allah, probablement qu'on n'aura pas le temps de faire plus que ça demain. Donc, alhamdulillah, rabbil alamin. Barakallahu fikum, wa jazakumullahu khayran, wa zadakumullahu hirsan, wa tawfiqan, wa alhamdulillah, rabbil alamin. Et voilà. Barakallahu fikum. À demain, inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.